voilà prêt à fermer ce qu'était le grand coffre. Ma petite valise et mon grand duvet, tout est prêt. Je ne pense pas que vous m'en retiendrez. J'ai enfin trouvé mon si long chemin. Pour commencer, ce qui convient, vous manquerez. Je garderai en moi à jamais notre vie d'enfant. Au revoir ma sœur, mon frère. Je n'oublierai jamais notre pauvre terre. Au revoir à toi mon père, ma mère. Je vous embrasse tendrement comme vous avez su le faire. Je n'oublierai jamais nos nuits de délire, nos pleurs, nos émotions, nos promesses, une enfance faite de hasard et de rire, nos querelles de famille et d'humeur, les Noëls émerveillés au pied des sapins, toutes nos découvertes dans ce monde en fleurs. Pour rien au monde, je les oublierai. Je les oublierai. Au revoir ma sœur, mon frère. Je n'oublierai jamais notre pauvre terre. Au revoir à toi mon père, ma mère. Je vous embrasse tendrement comme vous avez su le faire. Au revoir ma sœur, mon frère. J'oublierai jamais notre pauvre terre. Au revoir à toi mon père, ma mère. Je vous embrasse tendrement comme vous avez su le faire. Le destin exige de se séparer ainsi. Nous le ferons tout à moment choisi. Ce n'est que le début d'un recommencement de la vie. 1, 2, 3, et c'est reparti, et c'est reparti. Au revoir ma sœur, mon frère. Je n'oublierai jamais notre pauvre terre. Au revoir à toi mon père, ma mère. Je vous embrasse tendrement comme vous avez su le faire. Au revoir ma sœur, mon frère. Je n'oublierai jamais notre pauvre terre. Au revoir à toi mon père, ma mère. Je vous embrasse tendrement comme vous avez su le faire.